Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 16 juillet 2019, voici les grands titres de cette grande édition, de cette mi-journée. Le taux de change de devises en monnaie locale continue à augmenter dans les maisons de change et sur le marché noir à mairie de Bujumbura. Cette rareté influe sur le taux de couverture des importations, nous expliquera un expert économiste. L'épargne des enseignants membres de la Fondation Logement pour enseignants va passer de 5 000 francs burundais à 10 000 francs bou. L'objectif est d'avoir un fonds de garantie suffisant à déposer dans les banques afin de servir le plus grand nombre possible de demandeurs de crédit. Le comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge du Burundi ont officiellement remis ce mardi les bâtiments érigés au centre de santé de Kizuka. C'est en commune et province Rumonge. C'est en vue de subvenir aux besoins des victimes de violences basées sur le genre. Et dans la chronique santé, on continue la série sur les cardiopathies congénitales avec aujourd'hui des éclairages sur la possibilité de chirurgie de certaines d'entre elles. Voilà pour les grands titres. Bonjour, le taux de change des devises en monnaie locale continue à augmenter dans les maisons de change et sur le marché noir en mairie de Bujumbura. Dans différents endroits visités par nos reporters l'avant-midi de ce mardi, le constat est que le taux de change est varié. Certains changeurs de monnaie qui se sont confiés à notre station disent ignorer les raisons de cette hausse du taux de change de ces billets étrangers en monnaie locale. Elie Nibel Nivigira a fait le tour dans différentes contrées de la mairie de Bujumbura. Reportage. Concernant le dollar américain par exemple, sur certaines maisons de change, il est vendu à 3120 francs burundais, tandis qu'il est acheté à 3130 francs burundais. D'un autre côté, le dollar est vendu à 3100 francs burundais, tandis que pour ceux qui le cherchent, il achète à 3125 francs burundais. En ce qui est de la monnaie européenne, on achète 3400 francs de la monnaie locale et en euros est vendu 3420 francs burundais pour ceux qui en ont besoin. Au marché noir, le dollar s'achète à 3100 francs burundais alors qu'il est vendu à 3120 francs burundais l'unité. Mais pour l'euro, il s'achète 3400 de francs burundais. Mais ceux qui en ont besoin l'obtiennent à 3420 francs burundais. Ces changeurs de monnaie affirment que le dollar était auparavant acheté à 2750, tandis que son prix de vente était 2850 francs burundais. Selon toujours ces cambistes, l'euro s'achetait 3050 de francs burundais, puis vendu à 3070 en monnaie locale. Autre constat, c'est que sur les tableaux se trouvant devant certains bureaux de change de monnaie, est affiché que le dollar américain est échangé pour l'achat et la vente à moins de 2000 francs burundais, tandis que l'euro s'échange à plus de 2000 francs burundais. Ces personnes changées de monnayer les devises en billets locaux affirment que le taux de change monte sans cesse, à tel point qu'il varie le matin, la mi-journée, comme pendant la soirée. Le taux de change du dollar américain à la banque centrale est de plus de 1800 francs burundais, tandis que l'euro s'échange à plus de 2000 francs de monnaie locale. C'était un reportage d'Elie Nibel et Nibigira. Les devises sont rares et chères au Burundi vu l'indice du taux de couverture des importations. Ce taux est aujourd'hui de moins de 2 mois, contrairement aux années précédentes. C'est ce que démontre un professeur d'université, ancien gouverneur de la Banque centrale. Et c'est le professeur Isaac Wizimana qui en appelle à la diversification des exportations et au rapatriement des devises. Suivez-le. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas 42 devises. Il y a 42 devises. La preuve, c'est que le rapport de la BRB montre que le taux de couverture des importations, c'est presque un mois et demi, alors que dans le temps, on était rendu à 3, 4, 6, 6 mois. Maintenant, le taux de couverture des importations, c'est un mois et demi. Une autre chose qui montre qu'il y a 42 devises, c'est le différentiel entre le taux officiel et le taux parallèle. Le taux parallèle est au moins une fois et demie élevé. Ceci pourquoi ? C'est le jeu de l'offre de la demande. S'il n'y en a pas, c'est normal que sur le marché parallèle, il y ait une flambée sur le taux de change. Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'il y ait disponibilité de cette devise ? Deux ou trois choses. La première chose à faire, c'est ceci. C'est que les devises que nous obtenons de l'extérieur provenaient de quoi ? De nos exportations. Ensuite, des dons extérieurs. Pour les dons extérieurs, c'est vrai que ça a diminué, c'est tant mieux d'ailleurs. Comme ça, on s'en prend en main. Pour ce qui est des exportations, on exporte quoi ? On exporte le café, le thé, certains minéraux. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que certains Donc ceux qui font les exportations, surtout les minéraux, le produit n'est pas rapatrié auprès des banques. Il faut absolument que ces produits soient rapatriés. Si ces produits sont rapatriés, c'est là où on va avoir ces devises auprès des banques. Le fait d'avoir un taux officiel et un taux de change sur le marché parallèle, quel est l'effet sur la disponibilité de ces devises? S'il y a une différence entre le taux officiel et le taux sur le marché parallèle, c'est encore une fois un indicateur qu'il n'y a pas de devise. Qu'est-ce qui se passait avant? Si on voyait que sur le marché parallèle, il y a un taux élevé, la banque centrale injectait des fonds auprès de ces marchés pour que ça fasse un jeu d'équilibre, pour que ça baisse. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup de devises à injecter sur le marché. Et l'épargne des enseignants membres de la Fondation Logement pour enseignants va passer de 5 000 francs à 10 000 francs burundais. L'objectif est d'avoir des fonds de garantie à déposer dans les banques afin de continuer à servir les enseignants demandeurs de crédit dont les effectifs vont croissant, comme le dit l'administrateur gérant de cette fondation. Évariste Ndongichimaye propose même l'adhésion de tous les enseignants en vue d'avoir des garanties suffisantes, quitte à servir tous les demandeurs de crédit. C'est à l'occasion d'une assemblée générale de tous les syndicats des enseignants du Burundi qui se tient à Kayanza. Ça, on l'écoute. Des décisions qui doivent être prises pour justement continuer à servir les enseignants qui veulent le crédit pour financer leur logement. Ceci est motivé par le fait qu'aujourd'hui, il y a une forte adhésion et il y a aussi une forte demande de crédit pour justement financer les logements des enseignants. Cela demande une mobilisation des moyens et le respect des procédures parce qu'il doit y avoir une parité entre les dépôts, les crédits octroyés. Il y a aujourd'hui une adéquation par rapport justement aux deux. Il faut, dans un sens, augmenter l'épargne que les membres étaient appelés à payer dans le temps à la création de la fondation en 2008. Par rapport à l'évolution de notre monnaie locale, je peux, sans risque de me tromper, appeler une dévaluation ou une dépréciation de notre monnaie locale. Cette participation de 2008 ne suffit pas pour justement répondre à cette évolution de la taille des crédits aujourd'hui. Notre souhait serait de revoir, de demander aux syndicalistes membres et fondateurs de la fondation de revoir cette épargne, passer du simple au double, c'est pas vraiment exagéré par rapport à l'état actuel de la situation des financements que les enseignants ont déjà pris. Ils ont déjà pris 17 milliards, alors que leur épargne, qui constitue les dépôts justement, arrive aujourd'hui à 4 milliards. Une autre solution envisageable, ce serait de s'investir dans la mobilisation pour une adhésion massive de tout enseignant. Et cela relève d'une grande décision qui peut être prise. C'est notre souhait pour justement continuer à assister notre cher enseignant dans l'obtention d'un logement. C'était Évariste Ndongichimaye, c'est l'administrateur gérant de la Fondation Logement pour enseignants. La mise en place d'un comité pilote des projets de développement du secteur agricole dans les pays de la communauté des pays des Grands Lacs, à savoir le Burundi et la RDC, c'est l'un des objectifs de la réunion des délégations de ces deux pays qui se tient ce mardi à Bujumbura, la capitale économique. Une année après le lancement de ces deux projets, l'assistant du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage se dit satisfait du pas déjà franchi du côté du Burundi. Suivez plutôt Diomède Ndahiro qui est assistant du ministre de l'Agriculture. Les réalisations sont déjà là. D'abord, vous savez qu'il faut d'abord mettre en œuvre le projet. Ça a été déjà fait pour les deux pays. Et il y a mise en place des unités de coordination. Et ça, c'est déjà réalisé. Et aussi, du côté burundais, je tiens à vous signaler qu'il y a pas mal de réalisations en termes de développement agricole et de l'élevage. On a déjà appuyé ici dans la plaine de la Rusizi, dans le développement de deux filières. Il y a la filière maïs et la filière riz. Et aussi, vous savez qu'il y a une année que le Burundi a été vraiment touché par une maladie qui a touché les chèvres. Et le projet nous a aidé beaucoup à maîtriser cette maladie. C'est la maladie de peste et ça a été maîtrisé. Et pour le moment, nous voyons que vraiment la maladie a disparu. Effectivement, le comité de pilotage régional aura la mission de coordonner et de suivre la mise en œuvre des différentes activités qui sont inscrites dans les deux projets. Essayer d'orienter et proposer des solutions ou des orientations pour la mise en œuvre de ces deux projets. Dans l'actualité également, je vous l'avais dit, le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge du Burundi, remet ce mardi officiellement les bâtiments érigés au centre de santé de Kizuka, en commune des provinces Rumonge. C'est en vue de subvenir aux besoins des survivants des violences basées sur le genre. Le chef de zone Kizuka plaide pour l'ouverture du centre de santé de Mngange dans cette même zone pour pouvoir fournir des soins médicaux à tous les 25 000 habitants qui se confient au centre de santé de Kizuka. Correspondance Jean-Pierre Misak. L'agrandissement des infrastructures existantes au centre de santé Kizuka, la construction de nouvelles infrastructures comme une salle de triage confidentielle, l'aménagement d'un bureau pour le psychologue et d'autres bureaux, de même que la réhabilitation notamment des sanitaires existants, sont les travaux réalisés au centre de santé Kizuka pour un montant de 110 millions de francs burundais. Yves Van Lo, chef adjoint de la délégation du CICR au Burundi, qui a remis officiellement ses œuvres ce mardi à Kizuka, dit qu'il s'agit de travaux réalisés pour permettre une prise en charge confidentielle et de qualité des survivants de violences sexuelles basées sur le genre. Louis Kamwenusa, chef de zone Kizuka, se dit satisfait de ses réalisations au centre de santé Kizuka. Il saisit de cette occasion pour plaider en faveur de l'achèvement de la construction du centre de santé Mwangé en construction depuis 2008 dans cette même zone. Pour lui, cela viendrait appuyer le centre de santé Kizuka qui reçoit actuellement environ 25 000 habitants des collines Kizuka, Mwangé et Gatwe. Jean-Pierre Misago depuis Kizuka, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On parle de toute autre chose. La compétition musicale Prix Musique est dans sa phase de demi-finale. Après les tournées dans toutes les provinces du pays, 12 artistes représentant cette province restent encore dans cette compétition. Pour cette phase, c'est le public uniquement qui va voter pour l'un ou l'autre de ces demi-finalistes. Les 6 finalistes seront connus vers la fin de cette semaine. Suivez les explications de Bernice Keza, elle est chargée de la promotion de la bière Primus. Contrairement aux autres phases provinciales et régionales, maintenant le système de vote va changer. Il y aura un vote public, c'est-à-dire on va donner l'opportunité au public de pouvoir choisir leur candidat favori. Comment va se faire les votes ? Donc on va envoyer par SMS au 190 sur les deux télécoms, Econet et Smart, le short code du candidat. Sur les 12 candidats, le premier, donc, il y a Prix Musique 1, 2 jusqu'aux 12 candidats. Donc, si ton chanteur favori est 1, tu vas envoyer Prix Musique 1 au 170. En plus du SMS, il y a l'application. Donc, tu vas télécharger Prix Musique et tu vas voter ton chanteur favori. Et puis, il aura ton vote. C'est comme ça que ça va se passer. Et combien de fois un électeur peut voter ou choisir son candidat? Une fois par semaine, c'est-à-dire tu auras la chance de choisir ton candidat une fois par phase, c'est-à-dire une fois pendant les demi-finales et une fois pendant les finales. C'est seulement ça. Donc tu ne peux pas dépasser une fois par semaine. Bernice Keza, chargée de la promotion de la bière, Primus Micro de Ben Niyonguru. Les préparatifs de l'examen d'État édition 2019 vont bon train dans différents établissements scolaires visités par la radio Isanganiro le matin de ce mardi. Certains élèves rencontrés en train de préparer cet examen disent qu'ils n'ont pas peur car c'est un examen comme tant d'autres. Alphonse Ndaïzeye, directeur du lycée Clarté Notre-Dame de Vouguizo, indique que son établissement commence les préparatifs dès la rentrée scolaire. Marie-Claire Kazeneza fait le tour de ces établissements. Reportage. Les quelques écoles où la radio Isanganiro a passé le matin de ce mardi, les élèves en uniforme scolaire, accompagnés de leurs enseignants, révisaient les matières dans le but de la préparation de l'Exeta édition 2019. Certains élèves du lycée Clarté Notre-Dame de Vouguizo qui se sont exprimés à nos micros affirment avoir bien préparé cet examen national et appellent leurs camarades à travailler en équipe pour la réussite de cette épreuve. Je m'appelle Douchimé Amanda Marty. J'étudie en troisième poste fondamental langue. Pour l'édition 2019 pour l'Exeta examen d'État, je prépare assidûment, avec beaucoup de force, car je sais que ce n'est pas un examen tant que tel, surtout que c'est au niveau national. Et c'est pour cela que je dois fournir plus d'efforts dans ma préparation. Le conseil que je pourrais porter à mes frères, c'est que nous pourrions travailler en équipe, surtout ne pas être seuls, et surtout de fournir plus d'efforts dans les matières qui nous sont tellement difficiles. Ah, je m'appelle Chimilman Amélance. Je te dis à troisième poste fondamental langue. Je m'en prépare avec beaucoup d'efforts parce que je sais que c'est pas vraiment facile et je sais que je dois participer avec les autres et que je dois réussir. Le directeur de ce lycée dit qu'il prépare déjà cet examen tout début de l'année scolaire. Alphonse Ndaïziguié révèle qu'ils tiennent des réunions pour arriver à une réussite satisfaisante des élèves. Nous nous préparons depuis le début de l'année scolaire parce que nous sommes informés qu'à la fin de l'année, un concours national, un examen d'État doit être fait par nos enfants. Et nous préparons en conséquence avec les enseignants, avec les parents au niveau de l'administration pour que nos enfants puissent réussir sans difficulté. Le secret clair, c'est la tenue de diverses réunions avec des partenaires incontournables de les parents, les enfants, les enseignants et l'administration. 194 candidats à cette école, c'est le nombre d'élèves qui feront l'Exeta édition 2019. La situation se présente ainsi dans certaines écoles du nord de la capitale de Bujumbura, là où la radio Isanganiro a également passé. Les élèves étaient dans les préparatifs de l'examen Exeta édition 2019. Merci Marie-Claire Kazeneza. Deux nouvelles brèves en actualité internationale avant la chronique santé. En RDC, après le cas d'Ebola à Goma, l'OMS convoque son comité d'urgence. D'après le patron de l'OMS, la détection d'un malade dans la grande ville de Goma pourrait tout changer. Goma étant une ville d'un million d'habitants ainsi que des échanges très fréquents avec les autres villes du pays. Le comité d'urgence de l'OMS doit de nouveau se réunir ces prochains jours pour décider si Ebola est devenue une menace de portée mondiale. Et au Burkina Faso, 11 personnes ont été retrouvées mortes ce lundi 15 juillet à l'unité antidrogue de la police à Ouagadougou. Ces personnes avaient été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête de la police. Le procureur a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces morts. Ces personnes retrouvées mortes ce lundi 15 juillet font partie d'un groupe d'individus interpellés vendredi, samedi et dimanche dernier dans le cadre d'une enquête sur le trafic et la consommation de drogue. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans les titres, c'est la suite de la série sur les cardiopathies congénitales. Eh bien, la chirurgie de certaines d'entre elles peut se faire au Burundi, mais elle doit appeler la conscience de différents intervenants dans leur domaine de la santé pour qu'elles connaissent des succès selon le chirurgien cardiothoracique Pierre Claver Niyonzima. Pour lui, quand le cœur a un problème, c'est tout le corps humain qui est affecté. Il l'a dit à Francine Dérougaillou. Le cœur est un organe dit essentiel car le corps ne peut pas fonctionner en son absence. C'est cet organe qui permet la circulation du sang selon le chirurgien cardiothoracique Pierre Claver Niyonzima. Le cœur, d'abord, c'est un muscle, mais qui a un rôle spécial. C'est le cœur qui pompe le sang dont l'organisme a besoin et le propulse à travers tout l'organisme. Et c'est le cœur qui correcte le sang qui provient de l'organisme. Et finalement, ça contribue beaucoup plus dans la perfusion de l'organisme. Si le cœur ne fonctionne pas normalement, c'est tout l'organisme qui est touché. Le docteur Pierre Claver Niyonzima parle ici des différents types de cardiopathies congénitales et ce qui les caractérise. Il y a donc des cardiopathies congénitales avec bas débit pulmonaire. Il y a des cardiopathies congénitales avec un débit pulmonaire sanguin qui est élevé. Et si vous voulez, il y a d'autres types de catégorisation. Il y a les cardiopathies congénitales intracardiaques et extracardiaques. Les cardiopathies congénitale à bas débit pulmonaire. La manifestation la plus évidente, c'est une coloration au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, au niveau de la langue. Généralement, il y a une décoloration bleuâtre, ce qu'on appelle communément cyanose. Tandis que pour les cardiopathies congénitales à haut débit pulmonaire, généralement, la cyanose n'est pas la manifestation la plus courante. Ce chirurgien cardiothoracique revient sur les problèmes que peuvent causer ces malformations cardiaques. Il y a un défaut d'oxygène au niveau des tissus. C'est ce qui d'ailleurs donne l'aspect de cette décoloration bleuâtre. Et pour les cardiopathies cardiaques congénitales à haut débit pulmonaire, il y a effectivement une surcharge